Danse, danse, bébé, danse, Marie-Jeanne. Envoie au paradis. Mais danser les plus beaux, les plus serrés. Danse jour et nuit. Oh, ma chérie. Oh, les plages, le soleil. Danse, danse, danse pour toujours. Pour l'amour, ouais. Appelle-moi.